Bonjour messieurs, dames les malades et leurs chères familles. Afin de gagner du temps et d'éviter d'ennuyeux bavardages ultérieurs, je suis le docteur Gregory House. Appelez-moi Greg, je suis l'un des trois médecins assurant les consultations ce matin. Abrégé, allez, prenez un dossier. Ah, ce rayon de soleil est le docteur Lisa Cuddy. Le docteur Cuddy dirige cet hôpital, alors malheureusement, elle est trop prise pour s'occuper de vous. Je suis un médecin. Diagnosticien certifié avec une double spécialité en maladies infectieuses et néphrologie. Je suis aussi le seul médecin de l'hôpital qui assure les consultations contre sa volonté. C'est la vérité, non? Mais soyez tranquille, pour la majorité d'entre vous, le travail pourrait être fait par un singe avec un flacon d'ibuprofène. À ce sujet, si vous êtes particulièrement enquiquinant, vous risquez de me voir prendre ceci. C'est de la vicodine. C'est à moi, vous n'en aurez pas. Non, je n'ai pas de problème de gestion de la douleur, j'ai un problème de douleur. Mais à savoir, peut-être que je me plante. Peut-être que je suis trop défoncé pour faire la différence. Bref, qui est-ce qui veut de moi? Et qui est-ce qui préfère attendre un des deux autres médecins? Si vous changez d'avis, je suis en salle d'examen numéro 1. Jody Matthews. Veuillez suivre le docteur House en salle d'examen numéro 1.